Mikoyama Boena Lokondeli Kolobake Alen Kumu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Wabiso Sotota Kolingisa Moto. On a Kolobake Makamoye Soa Salaka. Et le Kelaka Biso Kaka. Les malédictions, la condamnation, les lois s'établissent, Seigneur.